spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le lundi 19 février 2018, monte le volume et hume la différence, oui, c'est parti mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'est moi. Il y a des fois où on se dit pourquoi ça m'arrive à moi? Vendredi, on m'indique une adresse. Donc, c'est un immeuble. Et je partais du travail pour m'y rendre, à pied. C'était pas très loin, 5 minutes. Car j'avais un rendez-vous galant. Bon, histoire de... Et, parce que cette émission est dédiée à ma muse, Christine Julie. En m'en allant rencontrer Mme Christine Julie, je suis des indications. Pas un imbécile, c'est comme à New York, il y a des rues et des avenues. On va prendre un exemple. 58e avenue au coin de la 8e... T'es mêlé, toi, là? Non, attendez, j'essaie de récapituler. Je ne vais pas donner l'adresse à ma muse. Donc, exemple, 63e rue Ouest, au coin de la 8e avenue. Bon. Ça existe, là, mais c'était pas là, là. Donc, j'emprunte le chemin en question. Bien sûr, il y a une couche de glace en dessous, puis il y a de la neige sur le dessus. Donc, le pied peut te partir n'importe où. Mais c'est comme des mines antipersonnelles. Mais là, c'est que soit que tu perds ton intégrité en glissant, mais comme il est 23h15, c'est pas trop important. Non, c'est pas trop important. Pas important. En tout cas, c'est pas important que je dise pas important. Et me dirige là. Mais la rue bloque, c'est un cul-de-sac! Mais toutes les autres, là, c'est en ligne droite. Mais là, à un moment donné, il y a comme un arrêt obligatoire. Là, ça veut dire là, comment je vais faire pour franchir et arriver sur l'autre côté. Il y a une ruelle. Deux immeubles, là, t'sais, une ruelle. J'emprunte la ruelle. Il fait noir, on voit rien. C'est glissant, on le sait pas, on met le pied, puis là, quand ça part, ah, c'est OK, là. Tu fais tes prières. Ça fait que j'ai le pied qui balotte un peu, mais tout va bien. Tout va bien. J'arrive de l'autre côté. Donc, c'est la bonne rue. J'essaie de trouver l'immeuble. Trouve pas l'immeuble. J'ai dit, on m'a fait un canular, là. Hein? Mais là, il y a, au fond, caché par la noirceur, pas d'éclairage, rien, l'endroit remis par la muse. Donc, là, je dis, écoute, j'ai pas trop, je vois pas l'adresse, mais j'ai dit, ça peut pas être un autre, une autre erreur. Me place devant, me lève les yeux, regarde sur mon petit carton, parce que j'avais indiqué l'adresse du carton, me lève les yeux pour regarder si c'était bien écrit la même chose que sur mon petit carton. C'était ça! Là, j'ai dit, bon, sauvé. Bon, ça a pris 10 minutes au lieu de 35 minutes. Juste parce que c'est barré hein, à l'entrée. Je suis dehors, là, OK? À l'extérieur. Je sonne à l'appartement. Ça répond pas. Là, je dis, hey, qu'est-ce qui se passe, là? Comme je ne lâche pas le morceau, je ressonne à nouveau. Ça n'ouvre pas. Hey, là, je dis, je suis pas venu ici pour rien. Puis c'est. Elle m'a pas dit que c'est assez, assez pas trompé. Je ressonne! Et j'entends pfff! J'ouvre la porte, ça fonctionne pas. Je dis, hey, je suis pas dû. J'aurais dû ben du don dû fermer ma grand gueule. Non, mais j'aurais pas dû. Je ressonne à nouveau. Là, ça fait pfff! J'essaie d'ouvrir la porte, fonctionne pas. Là, je prends mon cellulaire, lui envoie des messages, je réponds pas, j'ai assez endormi. Mais pourquoi ça sonnait? Là, c'est ça, même mon interrogation, ça s'est endormi, pourquoi ça sonnait? Ça fait que 5-10 minutes passent. Je reste encore devant. C'était froid, c'était humide, épouvantable. La porte s'ouvre. Il est presque 23h25. La porte s'ouvre. C'est quelqu'un que je connais. Parce que c'est un client à l'entreprise dans laquelle je bosse. C'est un revendeur, un petit revendeur de drogue. Tu sais, un petit, là, tu sais, des petits là, avec du poil, là, les petits, puis ils se promènent en vélo là, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de rouler en Cadillac. Là. C'est, tu sais, c'est en bas de l'échelle là, de l'interlope. En bas de. Ça peut pas être plus underground que ça. Je le vois-tu pas? Il est surpris de me voir. Il dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, c'est parce que ça fait 10 minutes que je sonne, là, puis que tu reviens de l'appartement 12, exemple. Il me dit, non, moi, je suis allé voir des amis. Il n'y a pas des amis, des chums en bas. OK, appartement 12, crois-tu que c'est 3e étage? Dit, non, mais selon moi, ce sera en haut, mais je ne sais pas, je connais pas ça ici, là, je suis allé voir des chums. Ben oui. C'est un vendeur de marijuana, il a été voir son client, puis il a donné des marijuana, puis il est reparti. Fait que là, je dis, est-ce que je peux rentrer? Parce que je me suis comme obligé de lui demander si je rentre, puis il appelle la police. Je sais, vous allez me dire, il est dans le trouble. Lui, là, il vend des affaires pas trop catholiques. Il va pas appeler les flics, mais je me laissais une marge de manœuvre. Je dis, est-ce que je peux rentrer? Ben, mais oui, j'ai trouvé ça bizarre, ma question. Ah oui, fait que je rentre. Monte les marches, arrive devant l'appartement, sonne. Non, frappe, ça répond pas. Hey, là, j'ai dit, Saint-Simonac de Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de la sonnerie et du mur en bois. Là, je refrappe encore. Il n'y a rien qui se passe. Là, je prends mon cellulaire. Je suis à la porte. Pas de bruit, rien. Me colle l'oreille. Hey, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je ressens, je renvoie. Je suis là. Après 5 minutes, je garde. Si la porte ne s'ouvre pas, je vais m'en aller. Hein, je lance l'ultimatum. Ça fait que là, j'ouvre la porte de dehors, je me prépare à sortir, descends les marches, prends le trottoir, et là, je peux pas m'en aller de même. On va essayer un dernier SOS. Renvoie un message, puis elle dit, oh, excuse-moi, j'étais endormi. C'est normal, c'est moi qui travaille tard. Puis elle se lève tôt. Donc, je dis, là, regarde, j'étais à ta porte, puis là, t'as pas ouvert, puis là, je me suis dit, bon, elle s'est peut-être endormie ou elle n'est pas là, puis là, elle dit, ah non, je vais ouvrir. Elle dit, vas-y, elle me donne un numéro de code, essaye d'ouvrir. Là, j'essaye d'ouvrir, ça ne fonctionne pas. Je dis, hey, peux-tu venir? Là, elle descend les marches. Oh! C'était elle. J'ai eu la chance d'entrer dans ce sublime. Sublime quoi? Sublime! Sublime royaume où nous avons pu, ensemble, partager quelques affinités nocturnes. Ben, c'est bien dit, mais ben, oui, on connaît ça d'autres les mots, là. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire, oui. J'ai mon bureau en haut d'une tour, où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère. Moi et tu pourras. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. J'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Dans la vie, on fait ce qu'on veut. C'est là, là. Pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir faire mon numéro, quand l'avion se pose sur la piste, numéro, quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Lyon. Chanteur, être chanteur, et c'est succès. Pour pouvoir crier qui je suis, j'aurais voulu être un auteur. Pour pouvoir inventer ma vie. Pour pouvoir inventer ma vie, j'aurais voulu être un acteur. Pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau devant un grand. Pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste. Pour avoir le monde à refaire. Pour pouvoir être un anarchiste. J'aime ça, anarchiste. Anarchiste. Et vivre comme un millionnaire. Sans une scène. Sans une scène. Pas une maudite scène. Tu sais, le millionnaire là, qui compte son aware. N'en as-tu assez pour continuer ma semaine, moi, là? Bah. Je suis un artiste. Non, ouais, c'est ça. Ouais, de fin de semaine. J'ai jamais eu d'argent, mais j'ai gagné le gros lot. Ben oui. Puis Serge m'a dit, t'as gagné Le gros lot, c'est ce soir c'est la vie de château. Femme, femme, femme, viens de voir la mer. Femme, femme, femme, venez-nous du soleil. Femme, femme, femme, du beau cimbolo, de l'idon bolo, de nos rencontres. Et vivre comme un millionnaire. Et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Un flatte-ti, un flatte-ta. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Un flatte-ti, un flatte-ta. Du même album. Nous sommes sur un élan de succès. Et surtout que j'adore ces deux pièces de Starmania. Mais oui, j'ai plein de défauts, hein, dont celui-là. C'est une pièce extraordinaire. L'artiste l'est aussi, comme Claude Dubois. Chanson qu'elle ne chante plus. Voici ce joyau, Diane Dufresne. On m'appelait bébé doll, j'étais votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Avec un prince du pétrole, j'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, venez voir mourir. Personne ne s'arrête sur mon passage, même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolor. De la vieille école. Quand je fume du hache, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toute la nuit, je rêve comme viol. Moi qui suis sage, comme une image, comme une image divine qu'on adore et qu'on adore. Sur qui on est chaque seul sur mon agrabole, je sens que je dégringole. vouloir mourir. Goodbye party, goodbye, goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine. Ben ça se voit, c'est de l'argent. Ben oui, mais pourquoi on me donne de l'argent? Ben pour travail effectué. Travail effectué, ben tu nous as accompli une chose que l'on t'a demandé, donc on te paye. Ben voyons. Je sais pas, c'était quoi le protocole, c'était quoi la façon de fonctionner. On me paye pour avoir du plaisir. Ben oui, mais c'est comme ça dans ce milieu-là. C'est écrit, parce que toi, là, quand tu signes tes contrats, moi te le dire, là, on a le temps. Raymond, on a le temps de te parler un peu, là, parce qu'elle est nouvelle dans le show business. Nouvelle, pas si nouvelle qu'on dirait que tu prends la même voix. Le public comprendra pas. Est-ce qu'on peut recommencer? Prendre des voix différentes parce que c'est moi qui ai mal parti l'affaire. Ça m'arrive que je... Ben oui, je... La... Ben voilà. OK, on y va. D'accord. C'était quoi la... Quelle était la... On peut changer la phrase, hein? OK, merci. Non, mais on demande à l'auteur avant, sinon il est monsieur. Là, il monte en haut de ses grands chevaux avant de descendre... C'est la chute des grands chevaux. Avez-vous déjà vu ça, la chute des grands chevaux d'un auteur? Par exemple, Luc Plamondon. Tu changes une virgule, tu ne l'appelles pas. Dis-toi une chose. La gendarmerie royale va être à ta porte. Elle va pas frapper, elle va te défoncer. Elle va te coucher à terre, les manottes dans le dos, puis elle va être hey, qu'est-ce que vous avez fait, là? Mais je suis l'interprète. Mais oui, un interprète. Avez-vous appelé M. Plamondon pour rectifier, placer la virgule à l'endroit où vous avez cru que cela était juste et bon? Ben, non, je suis l'interprète et je croyais que tout était selon les normes et surtout que ça accentuait son œuvre. Faut appeler Luc Plamondon avant. Oh, je savais pas. Mais vous le savez. Vous allez en prison, on va voir, on va parler avec Luc. OK? C'est Luc qui va décider. Il va venir vous voir. Si vous allez pas dans le sens du poil de Luc, croyez-moi que son poil est assez vlimeux. Il est vlimeux, ce poil-là. Parce que tu penses que tu le caresses, mais tu te piques, tu te brûles, puis tu sais, ça t'égratigne la main. Tu 5 jusqu'à la fin de tes jours. Mais non, tu es au bout de ton sang, c'est pas jusqu'à la fin de tes... Ben oui, fin de ton sang, fin de tes jours, ton sang. Ça n'a pas de bon sang, mais c'est du sang qui coule jusqu'à la mort qui apparaîtra dans l'immensité sidérale. Ça fait peur, ça. Pour une virgule, pour une virgule! Ouais. Compliqué le milieu des artistes, le milieu de la création. Très, très, très. On prend pas ça à la légère. C'est un public qui va accueillir ça, là. Hein. Pas n'importe qui, c'est du monde intelligent. Ah ouais? C'est du monde intelligent. Ben voyons. Pas des bouts de pied. Des bouts de pied. C'est une nouvelle expression, des bouts de pied, des gens qui n'ont pas d'envergure. Ah, c'est des bouts de pied, ah. Oh. Eh bien, j'ai jamais entendu ça. Mais non, c'est nouveau. Oh, c'est nouveau, c'est dans le dictionnaire. Pas dans le dictionnaire, mais non. On peut pas, on vient de le créer à minuit 26. Des bouts de pied. Des bouts de pied. Bon, des bouts, est-ce que je peux le prendre en note? Parce que je vais, dans combien de temps ça risque d'être dans les grands livres? Pas de grands livres aujourd'hui, il n'y a plus de grands livres. C'est fini les grands livres. Allume, allume. C'est le cybernétique. Oh, dans le cybernétique. Mais là, le cybernétique, c'est où ça? C'est sur les internets. Internet. Les internets, excusez-moi, moi je pose des questions. Hein, je sais plus ce qui se passe dans la société actuellement. Je n'ai pas assez. Je peux même plus m'acheter mes journaux. Les journaux n'arrivent plus à moi. C'est moi qui... Je dois m'inventer l'actualité. Je m'invente l'actualité. Écoutez, ben ça va tellement mal que au hockey cette semaine, j'ai mis 3, 2, 4, 6, 5, 3 et 2, 0. Je sais même pas pour quelle équipe. Je suis complètement dépassé. Là, je suis allé voir mon... Ça va bien. Je suis allé voir mon médecin. Mon médecin, moi, il m'a sorti une liste de prescriptions. Je suis obligé de prendre ça à des heures différentes. Puis là, il m'a même fait procurer. Oui, ça, c'est rigolo. Ça me fait encore rire. Vous savez, les alarmes... Non, vous savez peut-être pas. Il y a des alarmes pour les gens qui prennent beaucoup de... Pas de somnifères, madame. Voyons donc, je ne suis pas Marilyn Bonneron, moi, là. C'est pas le moment. Somnifère, Marilyn Bonneron. Wow, wow, wow. Non, non, c'est pour les gens qui prennent beaucoup de cétacés. Tu dis cétacé. Non, pas de cétacé, mais de médication. De médication. Tu sais, je prends de la médication pour me souvenir que ça se dit médication. Mais oui. Je suis comme ça me dit. Oh, d'accord. Est-ce que je peux Oui. On m'a fait prendre la médication. Puis j'en ai tellement que, avec ça, on m'a demandé d'acheter une belle petite boîte électronique, ordinatorique, ça se dit pas, électrique, en tout cas, pas électrique, non, c'est pas physique, c'est électrique. Ah non, ça jamais... C'est pas physique, c'est électrique! Non, moi, c'est la version pas physique, là. Mais c'est physique dans le sens que je le vois, que je le prends, là, mais je veux dire, ça demande pas un travail physique. Bon, je comprends pas. Mais là, c'est que cette boîte-là, tu programmes toute ta médication et au moment venu, si t'as des occupations, je sais pas, là, t'as gratté dans le fond du poêle puis ou t'as cherché des vergetures. Tu sais, moi, je suis comme ça, moi. Ma femme en a, j'en ai. C'est ma femme en a, j'en ai. C'est mon trouble, moi. Si elle en a, je dois en avoir. Hey, ça fait quoi, 52 ans que je cherche mes ovaires. Eh, hey, monsieur, elle en a, j'en ai. Des problèmes, elle en a, j'en ai. De l'argent, elle en a, j'en ai. Des cheveux, elle en a, j'en ai. Des cils, elle en a, j'en ai. Là, quand t'arrives à des affaires, tu sais, un peu plus compliqué, là. Un peu plus mental. Là, hein? Quand même conflit. Elle a de la fallope, j'ai pas de fallope. Elle a de la fallope, j'en ai pas de fallope. J'ai cherché ma fallope, moi. Cherche ta fallope! Trouve pas ta salope! Non! Oui! Mais c'est ce qui tient les avant. La trompe. Faut pas se tromper, là. C'est la trompe de fallope. Moi, dans. Ouais? Et ça fait. Au bas mot, ça fait 52 ans que je me fais faire des radiographies pour trouver ma trompe de Fallope. Les médecins sont morts de rire. Moi je suis au privé, hein. Tellement, là, moi, voilà, du côté financier, moi, je déplie. Tu sais, je suis celui qui tire la langue, là. Tu sais, pour humecter le pouce et l'index, là. Tu sais, quand c'est ça, là, c'est ça, là. Et là, je prends ma pile d'argent à l'hôpital. Puis là, il me dit, Monsieur Grenier, je suis connu. Monsieur Grenier, hier, ça vous a coûté 125$, là. Hein, de radiographie. Vous savez que ça va entraîner le cancer, ça, là, là. Vous n'en avez pas de trompe de fer. Hey! Vous n'avez pas assez cherché. Grossissez. On peut pas grossir. C'est des photos. Ben oui, mais prenez Photoshop, mettez-en. Ben oui, mais là, on vous inventera pas des trompes de Fallope. Vous n'avez pas de trompe de Fallope. Oui, mais si j'ai des ovaires, vous n'avez pas d'ovaires non plus. Oui, mais ma femme en a. Ben oui, mais vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme. Ben oui, mais j'ai de l'argent. J'ai des cils. Elle a des cils. J'ai des cheveux. Voyons donc, trompe de Fallope. Avez-vous une robe? Ben là... Excusez-moi, là, mais... C'est un sujet épineux. Épineux. M'a dérapé, là, tu sais. Mais va avoir des pneus. Est-ce que ça, c'est à crampons? Moi, je suis crampé. Ça doit être mes trompes de Fallope. Non, ben non, c'est l'invention. Vous êtes un malade, monsieur. Vous êtes un malade. Ah non, hey, arrête, toi. Au prix, je te paye, tu dis que c'est un malade. Ben, vous êtes loin. Vous êtes pas loin de la maladie mentale, hein? Pardon? Maladie mentale, moi? Tu me traites de maladie? Non, je ne traite pas de maladie. Vous souffrez d'une maladie mentale. Hey, attends. Pardon. Comment il faut que je te paye pour que tu changes de discours? Ah, ben, 25$. 25$? Tiens ton 25$. M'en donner 40$, garde le change. 15$, achète pas de drogue, là. J'achète jamais de drogue, je vends du mieux que ça. Moi, je vends bien mieux que ça. Hey, t'es dans le marché noir, là, mais tu sais pas. Moi, j'ai des chimistes qui travaillent pour moi. Ah! Oui, pour me faire des trompes de Fallope. Ben voyons donc! Vous pourrez jamais en avoir. Hein? Attends un peu, là. Là, il se passe quelque chose à ce soir, là. J'ai comme la trompe qui commence à virer. Mais non, vous n'avez pas! Hey! Écoute bien, là. Si je te dis j'en ai, c'est que j'en ai. Je te dis que j'ai de l'argent, je t'en tire de l'argent. Je te dis que j'ai de l'intelligence, je te dis j'en ai de l'intelligence, j'essaie de t'en tirer, mais c'est dur de tirer. C'est comme une femme enceinte, là. Tirer du lait. Ben beau, là, mais wow, arrête. Oh, elle en a deux. Deux jumeaux, ouais. Ben deux, c'est oui. Elle a des jumeaux, puis deux seins. Priez pour elle. Priez pour elle, parce qu'elle attire. On dirait que les joues, ils creusent à chaque fois là, que ça pompe. Elle n'y a plus de salive à la fin. Elle dit, pas terminé. Ben là, je pense que c'est terminé. Pas de plus rien. Ben non, t'as plus rien. L'ambulance va la chercher à chaque fois. Et elle se fait tirer 25 litres de lait ma mère vient me chercher mal de lait, promenant de cet état de féminité-là. C'est un état de féminité, hein, donner du lait. Hey, hier, là, j'ai essayé de chercher du lait avec ma muse, là. Elle a pas de lait, elle. Elle a pas de lait. Ben, elle a un lait, c'est celui qui tète, là. C'est moi. Pas drôle, OK. Oh, j'ai jamais dit que c'était drôle, moi, là. Ah, non, moi, l'humour, là, c'est comme le gâteau. Oui, mais oui, tu veux savoir le reste? Je sais pas, moi, là, je suis en train de fouiller. L'humour, c'est comme le gâteau. Tu sais jamais si c'est réussi. Oh! Tu t'en es sorti, toi, là, comme d'habitude. Mais hey, vous faites partie, là, d'une émission Errance Renadienne professionnelle. On est là depuis combien de temps? 36 minutes, 34 minutes. Non, combien d'années? Hein? Tu trouves que 34 minutes, ça équivaut à des années? Mais non! L'existence de l'émission, pas de cette émission-là, mais des émissions. Oh oui, ah ben, on est demi, deux, on est demi, trois, on est demi, couchant, léchant, embrassant le 12. Puis le 12, là, il aime bien ça se faire lécher puis embrasser. C'est un cochon. Saviez-vous ça que le 12 est un cochon? Il se roule pas dans la boîte, lui, pour se protéger du soleil, lui. Il est juste cochon pour aimer la cochonnerie. Puis il y a du monde de même qui aime ça, la cochonnerie, hein? Manger de la cochonnerie. On est dans une société de cochonnerie. Puis là, les gens vont chercher des bonbons, des chips, des boissons gazeuses. Moi, je me gâte à soir. Je m'achète des cochonneries. Ma semaine a mal été, ma journée a mal été, ma femme a mal été, je mange des cochonneries. Tant qu'à mourir, mangeons, tuons, nous crevons dans la cochonnerie. Plus il y a de cochonnerie, plus il y a de cochons. Il y a des cochons, c'est des cochons, des gros cochons, des petits cochons, des cochons, mais pas des cochons, des tirelires, des tirelires. Tirelires. Cochon, tirelire. Différencier un cochon classique d'une tirelire, c'est qu'il y a une craque sur le dos. Je doute pas, moi, monsieur, votre émission sera excellente puisque c'est Pierre Faure qui est l'invité d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. En résumé, le 19 et le 28, non, le 19 et le 26 février 2018, nous appellerons sous le micro, sur le micro, sous. Là, non, avec Pierre, c'est toujours à l'horizon. Donc, horizontalement au micro, nous entendrons mon grand ami, j'espère, Pierre Faure. J'ai une chanson que j'adore de son groupe Purple Moon. Et puis, ses albums solo sont exceptionnels, car aujourd'hui, 19... Arrête donc de te mêler toi-même! T'as de la misère à te souvenir de ton nom? Ah non! Non! Divulgue-nous ton nom! Gagné! Qu'est-ce qu'on a gagné, nous autres? On n'a rien gagné. Ton nom! Gagné! Gagner. Ah, ça change, hein? Alors donc, aujourd'hui, le lundi 19 février 2018, l'errance rénaldienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Pierre Faure. Je m'arrête ici. Et à partir de maintenant, c'est l'œuvre de ce grand auteur, compositeur, interprète, Pierre Faure. Vos ennemis. Pour l'instant, à la ligne, nouveau paragraphe. Retenir les choses est invraisemblable. À ce piège-là, suis imperméable. J'aime le soleil sur le dérivière. Ça fait des étoiles très involontaires. Je suis la volute, la fumée dansant. Ma trajectoire se lit dans les fables. Nos plus beaux présents sont des golfes clairs et insaisissables. Nos plus beaux présents, ce n'est que pour l'instant. Pour l'instant, dit le philosophe. Pour l'instant, joli titre pour un best. Toujours faisable et refaire. faire à deux le château de Salle. Chaque fois l'amour change de lumière, mille façons de mêler nos frontières. Dans ce grand lit là, tout est important. Dans ce grand lit blanc, rien n'est impensable. Quand je te caresse, c'est avec du temps, frisson délectable. C'est avec du temps, ce n'est que pour l'instant. Pour l'instant, dit le photographe. Pour l'instant, à la ligne, nouveau paragraphe. Pour l'instant. Pour l'instant, dit le philosophe. Pour l'instant, joli. C'est encore frais. Ouais, et puis moi la chaleur me réussit. Hein. Ah va. Oui? Oui. Même hier et avant-hier. Mais tout l'été dernier en Corée, j'ai eu plus de 35. Oui. Tout le monde se liquéfiait. Moi j'étais très bien. Je sais pas, ça me va. Mais ça dépend aussi de l'état corporel. Quand t'es plus gras, c'est plus difficile. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, ça coupe l'appétit, donc on maigrit. Donc les même n'importe ça coupe l'appétit? Ah, moi, je trouve que quand il fait très chaud, ça me, ah oui. Moi, ça me coupe l'appétit. Ben, tu manges plus des fruits, des salades? Ouais, des jus, on boit beaucoup, on mange moins. Enfin, moi, en tout cas, oui. Moins de viande, en tout cas, c'est bien. Moi, j'en mange pas. Ouais, ouais, je sais. Tu es venu sans ta fausse moustache aujourd'hui. Ben oui, ben là, j'ai décidé aujourd'hui un changement. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Non, j'ai changé aujourd'hui. Oui. Je sais pas, mais... D'accord. Peut-être, on va peut-être emprunter un chocolat, je sais pas. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez comme thé, s'il vous plaît? Des verres, nature, des noirs, des fruits, des verres de menthe. D'accord. Alors, ok. Bon, alors je change d'avis, je vous fais un allongé avec une tartine, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je vais prendre un jus de pamplemousse avec un expresso. Ok, merci. Ouais, ben c'est où ça s'est passé quand je dors pas beaucoup, j'ai des idées comme ça. Je me suis... L'as fait depuis longtemps, non? Ouais, ben en fait, c'est en 50 ans, j'ai rasé ça trois fois. Hier, je me suis couché vers minuit, je me suis réveillé à 3 heures, je ne pouvais plus m'endormir. Donc, plein de réflexions qui arrivent. Puis j'ai vu que Charlie Couture avait changé son look un peu, puis je trouvais que ça lui allait bien. Donc j'ai dit bon... Qu'est-ce qu'il a fait? Ben lui, il a encore gardé son CTC en avant qui a modifié un peu la structure. Et toi, ton voyage, comment ça s'est passé l'année dernière? On se quittait, puis tu t'en allais quelques... Oui, mais je m'en vais toujours. Tu sais, on y va deux fois par an maintenant avec Elsa. Elle a pas mal de concerts, ça marche bien pour elle là-bas. Bon, des fois, il y a des gens qui exagèrent, qui disent c'est une grande star, là, là, là. Bon, voilà, il faut ni le surestimer ni le sous-estimer. Voilà, on fait des concerts, on a du public, il y a des gens qui viennent, on a eu des chansons dans des séries télé, tout ça, voilà, c'est bien. C'est pas, mais on va pas remplir des stades ou même un Olympia, tu vois. On reste de la world music là-bas. On reste quelque chose d'un peu exotique qui s'adresse à un public de curieux, à des gens qui sortent déjà un peu des sentiers battus. Donc, Mais qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Mais tu devais aussi travailler sur un nouvel opus, un double opus? Ouais, c'est vrai. Ben, il est toujours en cours. Okay, je pense que janvier. Ah, ça a été reporté? Ben, c'est-à-dire, ça ne tient qu'à moi parce que je produis, alors ça ne tient qu'à moi. Mais oui, j'ai trouvé que cette année, pour plein de raisons, c'était pas le moment de le sortir. Parce que, d'une part, j'ai des grosses choses familiales à régler. Oh. Où il s'est passé plein de trucs, mais qui sont intéressantes artistiquement aussi. C'est-à-dire, par exemple, j'ai vidé une maison d'enfance. Bon, dit comme ça. Tu as visité une maison d'enfance? Vidé. Vidé? Pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il fallait la vider pour la vendre. Ça, c'est ton côté familial? Là? C'est ça fait partie de ça. Ok. C'est pas tout, mais c'est un des éléments. Et quand tu brasses tellement de souvenirs, qui ne sont pas que les tiens d'ailleurs, qui sont ceux de 50 ans de vie, Donc il y a des tas de choses qui te sont antérieures, qui m'étaient antérieures. Alors là, du coup, ça fait sortir énormément de choses, de secrets, de souvenirs. Ouais. Pas forcément honteux d'ailleurs, pas forcément de choses horribles. Non, non, quoi. Mais c'est voilà, plein d'histoires de toutes sortes, des heureux, des malheureux, de toutes sortes. Ben, la vie en général. Plein d'histoires. Plein de choses que tu apprends, tu as l'impression que tu avais des certitudes sur telle ou telle personne, et puis tu te rends compte que bah, non, c'est pas si simple que ça, voire même qu'on s'est carrément trompé, enfin, que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Parce qu'il nous manque toujours des pièces du puzzle. Donc voilà, chemin faisant, ça a donné plein de matière à penser, de matière à réfléchir, à poétiser, à processer. Bon. Et donc, je suis encore dedans. La digestion n'est pas encore faite? Pas entièrement, j'en aurai pour des années. Ah oui? Mais petit à petit. L'histoire d'une vie? Petit à petit, ah oui. Ben oui, parce que... Mais je pense pas que mon cas soit particulier ou exceptionnel, c'est pas ça. Je pense que ça, ce serait vrai pour n'importe quelle famille. Mais en tout cas, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais des jugements un peu rapides sur les choses, sur les apparences, sur ce qu'on avait bien voulu dire, sur ce qui était émergé. Et je reconsidère, voilà. Merci à nos amis. Je reconsidère, c'est plus nuancé. Ok. Voilà. Donc, ça, pour toi, ça a été beaucoup d'épreuves. Les pires épreuves, elles sont pas pour moi parce que. Elles sont pas pour toi. Non, parce qu'il y a des gens autour de moi, ma maman qui est très malade, des gens comme ça. Donc, moi à côté, je vais bien, je suis en bonne santé, j'ai une vie libre, je voyage. Quand tu compares, tu consoles. Oh ben, oui, vraiment. Non, moi, j'ai eu des choses, des informations à gérer, des choses mentales, tu vois. Mais je ne suis pas blessé, je ne suis pas estropié, je ne suis pas handicapé. J'ai pas de... Donc, moi, je ne veux pas me plaindre. Simplement, je fais ce chemin que beaucoup de gens font et que je trouve intéressant, de revisiter des choses du passé qui nous semblaient être des certitudes, des choses stables, etc. Et de changer l'éclairage. Ah oui. Voilà, ce qui est intéressant. C'est intéressant parce que ça donne une vision plus riche. Sauf voilà. Que le plancher que tu avais d'une certaine réalité n'est plus vrai. Donc tu vois quand même. Je voyais qu'une partie. Et quand tu sais, c'est quand le cadrage est trop serré, finalement, ça devient un mensonge. C'est-à-dire que la partie que je voyais, elle était vraie. Simplement, si tu recules la caméra, tu fais zoom back camera comme à la fin de Jodorowsky, à la fin de la montagne magique, sacrée. Il fait zoom back caméra et puis tu vois tout ce qu'il y a autour. Ah oui, ok, c'était pas que ce que je voyais. Non, quoi. C'est voilà. La conclusion bien révèle un peu. Plus. La caméra révèle un peu ce qui c'est. Oui. Oui. Bah, comme tu sais, en astronomie, les gens ils te disent toujours plus on sait, moins on sait. C'est-à-dire que plus tu sais des choses sur les étoiles, plus tu te rends compte de tout l'infini derrière. Tu ne sais pas. Ça calme. Non, effectivement. Non, mais ça remet en perspective. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai ma petite période de remise en perspective qui est intéressante aussi pour les chansons. C'est pas forcément le... Mais en tout cas, c'est là que c'est un bon outil de faire, d'avoir tout ton art, quoi, de faire soit des peintures, soit des sculptures, des trucs. C'est un bon outil pour, comment dire, malaxer toutes ces pensées, toutes ces choses et éventuellement les retransmettre et qu'elles servent. Qu'elles aient une utilité, qu'elles deviennent une... Comme un gentil avertissement. Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, voilà. Mais lorsqu'on s'est vu la dernière fois presque au même endroit, tu mangeais la même chose. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Bah, c'est pas tous les matins, c'est juste avec toi. Ah, okay. Tu te rends compte? Ok, sinon tu manges quoi le matin? Rien. Quand je suis chez moi, je me fais un litre de thé au jasmin. Et je vais comme ça jusqu'au déjeuner, tranquillement, voire plus, si affinité. Ah oui, c'est un plaisir de café. C'est un plaisir d'être avec toi et de partager ce moment. Voilà, tu vois, c'est marrant. C'est presque, c'est cyclique. Sinon, je viens jamais prendre une tartine dans un café, par exemple. Ça ne me viendrait jamais à l'idée. C'est là, je sais pas. Est-ce que tu prends Est-ce que tu aires quelquefois et tu t'arrêtes prendre un café? Alors, je sors énormément quand je suis en voyage. Je suis tout le temps dehors. Mais ici, dans ton quartier? Pas tellement. Ok. Pas tellement. Ça m'arrive, oui, au café cuillère oui. qui est près de la poste. Ça m'est arrivé, il y avait l'effet nouveauté, il y avait des bon, pour des rendez-vous des fois. Mais à la Halle Saint-Pierre. Tu connais la Halle Saint-Pierre, Reynald? Anne Saint-Pierre? Non, la Halle. Halle Saint-Pierre, non. Alors, c'est un petit musée de l'art brut, qui est de l'autre côté du Sacré-Cœur, mais vraiment à deux pas. C'est rue Pierre Ronsard, si tu veux chercher l'adresse. Mais tu cherches Halle Saint-Pierre et tu trouves. Ouais. Alors, il n'est pas grand comme le musée de l'art brut à Lausanne, qui est vraiment super, qui est luxueux, énorme. Tout. J'ai visité quand je suis allé en Suisse il y a ouais. oh, plusieurs années, une bonne dizaine d'années. Tu le connais? Oui. Ça t'a plu? Oui, ben oui. C'est mon univers. Oui, ça m'a plu. Ça me parlait beaucoup. Il y a beaucoup à voir. Là. C'est... Tu sors de là et puis il n'était plus le même. En plus, ils ont en Suisse beaucoup d'artistes d'art brut intéressants, ouais. comme Emma Koons, Aloïse, Corba. Ouais. C'est quand même assez connu pour ouais. les gens qui s'y intéressent. C'est pour vrai. Inférieur du rythme égale à Commencer à préparer ton double album, bon, ce qui est arrivé, tu en as parlé un peu, mais est-ce que tes chansons étaient figées à l'époque? Non. Est-ce que c'était déjà mis en boîte? Certaines. C'est-à-dire que je sais, par exemple, quelles sont les premières et dernières de chaque CD, si on fait un CD. À un moment donné, c'est même quasiment devenu un triple album. Mais bon, après, je me suis dit, mais qui va écouter un triple album? Personne, déjà un double. T'sais. Mais pourquoi tu as dit, si c'est un CD, ce serait quoi? Ça pourrait être un vinyle aussi, ce serait joli. On verra. Moi, j'aimerais bien. Tu peux faire les deux? Pour une question de coût de production, non. Et puis... Mais il y a de moins en moins de personnes qui, aujourd'hui, se retrouvent avec un vinyle. Oui et non, parce que tu sais, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens écoutent sur des supports digitaux. Ouais. Donc l'objet, c'est un prétexte. L'objet, c'est une forme symbolique d'investissement, ouais. de soutien sur un artiste. Alors c'est vrai qu'un vinyle, ça a de la gueule. Aussi. Les jeunes gens achètent beaucoup de vinyle ici, tu sais, Rénal. Chez nous aussi. Des 18-20 ans, tu sais, qui vont au concert. À la fin du concert, ils vont peut-être plus. S'ils achètent un truc, ce sera plutôt le vinyle. Parce que c'est sexy, parce que ça fait pas pitié sur, quand tu l'exposes chez toi. Tu vois, il y a quelque chose qui est plaisant, qui claque, quoi. Et en plus, on peut jouer avec la couleur du support. Il y a plein de choses à faire. Certains, et sur le plan du choix du visuel, de l'expression du visuel, il y a des choses qui, sur un CD, ne vont jamais rendre. Donc, on s'est conditionné avec ça. On a pris le petit format 12-12, le petit carré 12-12, et on s'est dit, bon, allez, on dirait qu'on s'exprimerait avec ça. Mais en fait, si soudain tu reprends un format 30-30, tu t'aperçois que beaucoup plus de choses sont possibles, que tu peux rentrer dans le détail, faire... Regarde, ne serait-ce que la pochette de Sgt Pepper. Ouais. Ça a été conçu pour le vinyle, c'est évident, parce que tous ces personnages, ce fourmillement en CD, c'est quand même pas le même impact. Non, effectivement. Le visuel est trop chargé. Ouais, alors ça tient encore en CD. Il se trouve que par la grâce des couleurs, le côté pop, ça tient encore en CD. Mais quand même, c'est... Ouais, tu peux pas voir les détails, effectivement. Souvent, tu peux pas t'y adarder. On peut moins s'immerger dedans. Ouais. Plonger dedans. Voilà. Donc, les chansons, elles sont pas figées, elles le sont jamais. Là, je viens, par exemple, sur 4 morceaux que j'avais depuis un certain temps, depuis quelques mois. Je viens d'ajouter des couleurs instrumentales avec un musicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Wookie, qui a fait plusieurs albums, qui est anglais d'origine mais qui vit à Paris, et qui a une très belle collection d'instruments jouets, notamment piano Michelson, entre autres, mais il a aussi des synthés comme le Optigan, qui est un genre de mélotron encore plus rare. Il a plein de choses vraiment chez lui. Et puis même des petits claviers très gadgets, mais qui ont une fonction intéressante, tu vois, qui permet d'obtenir des grains, des couleurs sonores rares. Et Cher a fait un album avec des instruments joués. Ah oui. Ouais, un double album. Le premier, c'est en concert. Ouais. C'est à l'époque où il était... C'était 92, 93. Ah oui, oui. La meilleure des Cher. Ouais. Puis le deuxième album, c'est... C'est vraiment l'intérêt. C'est un CD qui le suit. Donc, c'est vraiment un audio qui voyage. Mmh. Il avait planté des micros partout dans sa chambre d'hôtel, dans un restaurant. Puis, il pouvait entrer dans un pub et commencer à chanter. Il plantait le. Et ces sons-là qu'ils ont voulu garder. Album incroyable. Ouais. Mais il est intéressant, ce mec. Hein. Il était. Moi, j'aime bien Stéphane Echer. Je l'ai rencontré 2-3 fois, comme ça, je l'ai croisé. Il m'a toujours fait une bonne impression. J'ai des très bons souvenirs de concerts. Très bons souvenirs de concerts. Une fois à la Coursive à La Rochelle. En quelle année? 99, par là. Excellent. Après l'album Mille Vies, c'était excellent. C'était à la fois énergique, intelligent, riche, on très souriait. Subtil. C'est un bonhomme très subtil. Oui. Ah. Après, je l'ai revu longtemps après. J'ai vu des petits showcases, des petits trucs. Et où est-ce que je l'ai vu? Ah oui, bien sûr, c'était au Festival Mythos à Rennes. Et c'était la tournée avec les robots, avec les instruments robots. Ah oui. Vachement bien. Ah oui? En fait, il se ressourçait à l'époque où il faisait de la musique punk. J'ai acheté cet album-là quand j'étais en Suisse, mon voyage en Suisse. Premier opus de Escher, en fait, ils ont fait un ramassis des 3 premiers albums avec son groupe, Parvientas. Ouais. C'est incroyable. Ils reprennent une chanson de Lou Reed, c'est inconnaissable. Un peu comme ça touche un peu le premier album d'Erika Mitsuko. Ah oui, que j'adore. Le premier album, oui. Après ça, c'est No Comprendo. Absolument, oui, je vois très bien avec le camion. Oui, avec le... Jalousie, on retrouve Jalousie. Ouais. La chanson phare, excellent album, qui a très bien vieilli. Oui. Le dernier, ils ont sorti il y a à peu près une dizaine d'années, le premier album de Delta Musico en rajoutant des inédits. Ah oui. C'est bien, ouais. C'est bien. Moi, c'est marrant parce que là, tu vois, depuis le mois de novembre, j'ai un petit fiancé chinois qui est arrivé à Paris l'an dernier, donc il est très... Ah, c'est fiancé? Ouais, bon, c'est une... symboliquement, on va dire ça, oui. C'est pas une... le sens formel. Non. C'est plutôt intimiste entre vous. Mais oui. Et il découvre tout ça, il a beaucoup d'appétit pour tout ce qui va être une culture occidentale. Il n'a pas du tout envie de rentrer en Chine, et alors... Je lui ai fait écouter des choses comme ça, très variées et tout. Il a adoré l'Erika Mitsuko. Le premier opus ? Tout. Ah. Comme ça, en général. Il a adoré Catherine Ringer, son allure, sa gestuelle, tout quoi. Il a adoré Le Petit Train sur l'album Marc et Robert. Il parle de son enfance. Qui parle, qui parle des déportés vers les camps de la mort. Ben, c'est la vie de ses parents. De ses parents, oui, c'est ça. Le fait de te lier avec un homme qui risque de partir, ça a pas. Toujours été ça. Ah oui? Ça a toujours été ça. Non, moi, je suis atteint d'une exogamie galopante. Ok. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme au temps de la préhistoire, si tu veux. Il y a des gens qui sont chargés dans la tribu de renouveler le capital génétique de la tribu en allant... reproduire ailleurs. Bon ben voilà, moi je suis dans ce modèle-là. Mais le déchirement te fait pas peur? D'abord, il a très envie de rester en France. Alors il va faire tout un... Il fait le maximum pour ça. Là, il est étudiant, il est en stage, il fait tout ce qu'il faut pour rester. Bon, ça c'est une chose. Il est ici depuis combien d'années? Depuis combien de mois? Il est là depuis le mois de juillet l'an dernier. Ah! On s'est croisés puis il était déjà dans ta vie. Je l'avais pas rencontré. Ok, oh! Non, j'ai rencontré après. Ok. Et en novembre. Mmh. Et voilà. Non, et puis si un jour on doit partir. Et puis, moi j'ai une vie, j'ai mené une vie, on va dire, presque d'ado attardé jusqu'à maintenant. Je ne me suis jamais trop posé. Parfois j'aurais bien voulu, ça ne se faisait pas. Parfois c'est moi qui ne voulais pas. Bon, c'est comme ça. Donc là, je découvre une espèce de stabilité. Émotive. Oui, qui n'est pas désagréable, qui est émolliante, pardon pour ce mot non. Un peu, comment dire, tu vois que je sors du chapeau comme un lapin, comme ça, ouais. C'est ça, mais que j'aime bien émolliant. Imagine, avant-hier, j'ai utilisé un mot qui ici est quand même très peu utilisé, puis graffiné. Je connais pas, c'est quoi? Ben non, graffiné. Ah, c'est vrai. Ouais. D'accord. Là, on m'a trouvé des synonymes. On m'a dit sur graffiné et gratiné. Mais gratiné. Graffiné. Non, je connaissais. Et pas. Là, il me croyait pas. J'ai dit, c'est un verbe du premier groupe qui dans la langue française, il croyait que c'était un québécisme. Graffiné. Alors là, j'étais un peu frustré, dirons-nous. Parce que chez nous, c'est courant graffiné. Parce que j'ai remis à une amie. Des photos d'elle que j'ai pris en spectacle ici sur la rue des Abeilles. Tu sais que je fais des... Ah, bien sûr. Je fais des spectacles. Des concerts sur le banc. Exactement. Egon l'a fait l'an dernier. Non? Oui, oui. Mais là, il ne pouvait pas cette année. Là, il est dans des projets de... Ah, il est avec ses ovnis, là. Ouais, il est porte-parole actuellement. Là, il va se faire enlever par des extraterrestres. Ça, c'est son truc. C'est un bon projet. Ah, oui. Il faut déjà les trouver, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, donc, il devait passer, mais... la jeune fille commence sa carrière de musicienne. Très bonne musicienne. Je te conseille fortement, non pas... C'est laquelle, comment ça s'appelle? Tebeyo, non? Tebeyo, oui. Ah ben tu sais, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'elle dégageait un truc, j'ai regardé les photos. Mais tu n'as pas posté... entendu? Non, pas encore, mais déjà, tu sais, tu sens beaucoup de choses sur une photo. Oui. Déjà la présence de quelqu'un. C'est elle qui a choisi, parce que j'en avais une soixantaine. Elle m'a demandé d'en enlever à peu près 60%. Oui, de toute façon, il y a trop de choses sur Internet, il y a trop de trucs qui traînent tout le temps. 1000 vidéos, 1000 photos, 1000 trucs, il faut réduire, il faut aller à l'essentiel. Ouais. Je n'attends rien des mégaphones, rien des société secrète de Jean de John, collectionneur, collectionneur d'allumettes. Je n'attends rien du ciel, et tonne de sauveur de supérette, plus rien d'iphone, des professeurs qui s'inquiètent. Là où tout son même pas apparaît dans son apparat, tu vois, je l'ai un briseur, t'as le son de la chair prise. Je n'attends rien du pain, t'as gonne des joueurs de clarinette ni de Simone, des amateurs de grisettes. Rien des danseurs de Charles, tonnes de chanteurs et des clotettes qui s'époumonnent, des jolis cœurs de la fête. La route sous même pas apparaît dans son apparat. Tu vois, je l'ai un prise, t'as le son de lâcher prise. N'attends rien des gens qui sonnent des vendeurs en la sauvette sans quoi la sonne. Agitateur, agitateur, girouette. La haute sous mes pas apparaît dans son apparat. Tu vois, je l'ai un prise, t'as le son de la chair prise. N'attends rien des mégaphones, rien des sociétés secrètes du chant de John, collectionneur, collectionneur d'allumettes. Même de toi à qui je donne des ciels de feu, des paillettes, je me raisonne. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur des comètes. Errance rénaldienne sur CKRL MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. veux l'entendre, là, je te conseille fortement, j'anime les dimanches quand c'est l'été, parce que les gens qui ont cette émission-là prennent des vacances. Et moi, je fais quelques émissions, donc je diffuserai des bancs publics, certaines personnes des bancs publics. C'est le dimanche, si on prend l'heure française, de 19h jusqu'à 21h. D'accord. C'est une belle heure. Ouais, super, carrément. 19-21, c'est KRL, tu vas sur le site, tu cliques, tu vas entendre en direct. OK. Et tu l'entendras avec un autre, Stéphane, que j'ai reçu. Totalement incroyablement intéressant. C'est des gens qui n'ont pas la parole dans les sur les ondes sur France Inter, sur les ondes. Oui, parce qu'il peut venir un jour quand même. Oui, si, si, on sait jamais, tu sais, la vie est pleine de surprises. Il a été antiqué par une grosse maison de disques. Il est mal. Puis par la suite, comme on l'a poussé à faire un autre album, il s'est dissocié du groupe. Mais quel talent, quel talent. Excuse-moi, juste une seconde. Oh, oui. Chers auditeurs, excusez-moi. Ouais, y a pas de problème. Je dois demander du miel ou une confiture. On ne m'a pas apporté ça. Ah. Voilà. Donc je suis obligé. Ben, oui. C'est terrible. Alors on passe à une chanson. Ouais. Une pause musicale. Une sauvé. C'est bien. Dans des petits pots comme ça, c'est mieux que dans un plastique avec le papier d'aluminium. Ah oui? C'est vrai, hein? On t'a proposé ça déjà? Non, mais à l'auberge de jeunesse, c'est ça. Ah oui? Ben oui, mais les coûts sont moindres. Hein? Ah d'accord. Ça, c'est un peu plus cher. Ouais. Mais une chambre à 22 euros, on ne demande pas trop, hein? Ah, c'est 22, ah oui, ouais, c'est bien. Ben 22 parce que j'ai pris une chambre de 6 et comme je suis comme je suis un habitué, quand j'arrive, ah, vous êtes encore, vous revenez, là. Ils m'ont placé dans une chambre de 3 et j'ai payé pour une chambre de 6. Donc 22 euros, c'est quand même pas mal. Oh, c'est carrément bien, Rénal. À Paris, c'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment un cadeau. Alors regarde, moi des cadeaux, j'en ai pour toi aussi. Ah oui? Genre, alors je t'ai amené l'album de Lafayette, Thierry oui, Lafayette. Oui, hey, mais je devais le rencontrer. Oui, mais il est tout le temps pris la semaine, c'est ça le problème. Donc si t'as un moment le week-end, il sera ravi, mais la semaine, demain, c'est compliqué. Je m'en vais le dimanche. Eh ouais, là, dimanche, ouais. Oui. Bah oui, c'est compliqué. Alors, je lui ai proposé hein, tout, mais là, il travaille. Je l'ai vu hier soir. Oh, ben, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, Lafayette, là, récemment, j'ai fait 2-3 chœurs avec lui, chanté avec mal, lui. La photo. Mais tu verras, cet album est super. Et la photo exprime bien ce qu'il y a dedans, le côté un petit peu décadent, un petit peu étrange. De ce mec maquillé à un balcon, et puis tout autour de lui dans l'immeuble, on voit les autres fenêtres, et on voit qu'il se passe des choses terribles. Ses chansons sont assez dingues. C'est dément. Il ressemble à Mitterrand? Ah non, mais là, c'était un faux Jacques Chirac sur la photo. Ah, Chirac, oui, excuse-moi, Chirac. C'est pas lui, là. Hein. Non, non, non, mais il ressemble à Chirac, effectivement. Là, c'est... Ouais. Non, mais j'ai dit Mitterrand, mais c'est Chirac, oui. Et c'est vrai qu'il ressemble à Chirac. Ah, oui, c'était l'époque. Hein. Cet album est paru en 2000, là, celui que je te... Ah, ouais. Et alors, bon, il a eu à l'époque son petit écho, comme ça, mais ça, c'était pas destiné à faire Bercy, tu vois, parce que c'est des chansons très étranges. Souvent assez sophistiqué. Moi, j'ai essayé d'en jouer au piano. Accroche-toi, hein. Il y a plein de tiroirs, il y a plein d'harmonies, c'est très riche. Et puis, alors, j'ai envie qu'il écrive des choses. Là, par exemple, c'est-à-dire que sur l'album que je suis en train de faire, j'ai 2-3 musiques qui restent encore sans parole. Alors, sur un double album. Oui. Alors, je vais proposer d'écrire dessus pour voir, pour m'emmener un peu plus loin que moi, ce que je pourrais faire, pour avoir un genre de portrait de photographe, tu vois, de dire tiens, qu'est-ce qui peut qu'est-ce qu'il va projeter, qu'est-ce qu'il va voir. Ça m'intéresse. On va voir hein, ce que ça donne. Mais voilà quelqu'un qui est un auteur pour moi assez fou, assez dingue. C'est-à-dire qu'à la fois, il a un côté, tu sais, comme dans les films de Jacques Demy et Michel Legrand, où il peut mettre un vocabulaire dans des textes, un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire de parolier habituel. Dire des choses vivantes, étonnantes, mettre des mots qu'on n'utilise pas en chanson d'habitude. Et puis aussi, une culture glam rock, une culture cabaret. Enfin, c'est très spécial, c'est très unique. Donc évidemment, il y a des gens qui accrochent pas aussi, parce qu'ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, tu vois, ils voient pas pas la porte d'entrée. Ceux qui accrochent, c'est ceux qui accrochent pas. C'est-à-dire, c'est soit que tu accroches ou que tu accroches pas. Les gens qui aiment, ils aiment ce que les gens n'aiment pas. Oui, peut-être. Tu comprends un peu le principe? Oui, je vois très bien. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est difficile de se dire qu'on aime Thierry Lafayette et aussi les œuvres de Christophe Mahé en même temps. Quoi. C'est... S'il y a un point de jonction, bah, je serais ravi de le rencontrer, pourquoi c'est la musique, pas. La musique. Mais oui, mais... Soyons généralistes. Tu vois, c'est vrai que c'est un c'est peu deux pôles oui, comme oui, ça, oui. De on... manière de voir le monde quand même assez... On est loin de Bruel. On est loin, entre autres, de Bruel. Qui au demeurant est quelqu'un de pas désagréable, que j'ai rencontré, que je trouvais plutôt sympathique comme ça, quoi. Mais bon, oui, c'est bon, oui, on est loin. C'est vraiment un autre but. C'est-à-dire qu'il y a des artistes chez qui il y a une stratégie, il y a l'envie de rester au top, il y a l'envie de faire des grandes salles, il y a l'envie d'être comme ça, très très, avoir une résonance très forte quoi, sur le monde. Et puis au contraire, il y a des gens qui veulent chercher la singularité. Et c'est sûr que c'est un chemin plus difficile des fois, mais voilà. Donc l'album de Thierry Lafayette, qui j'espère t'amusera, te oui, plaira. Ben oui. Moi j'adore Une rue un soir, notamment. J'adore Le monde merveilleux, qui est un vrai petit film. Il y a des phrases fabuleuses dans Le monde merveilleux, vraiment, il y a des trucs étonnants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de chansons de 6 minutes. Alors, c'est pas mal. C'est parce que c'est des petits films, et que donc il y a un début, un milieu, une fin. C'est parce qu'il y a des tiroirs musicaux, des parties, des sous-parties. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est effectivement, c'est pas... Il travaille beaucoup avec Frédéric Noyer. Il travaillait, parce que ça c'est un vieil album. Okay. Il a aussi écrit une chanson avec Daniel Darc, qui n'est pas sur cet album. À quelle période? Quelques temps avant sa mort? Oui, ça c'est sûr. Parce qu'il, dire, il parce qu'il n'est pas médium, si tu veux, donc il ne l'a pas contacté après quoi sa mort. Aujourd'hui, hein. Voilà. C'est ça. Mais, avec non, une corde de Ouija. Est-ce que ça s'est passé longtemps avant? Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement, mais il se connaissait bien. Il se connaissait bien. Oh, on l'a retrouvé ici dans ce quartier-ci. Oui, oui, oui, oui. Oui, je sais pas où il habitait, mais il était dans le coin. Ouais. Et donc, bon, c'est toute une petite clique, une petite connexion comme ça. Et là, on a fait des concerts. Il m'a, en mois de février, Thierry Lafayette m'a proposé de venir faire une reprise de Daniel Darc, justement. Ok. Reste encore jusqu'au jour, je sais plus. Je me souviens pas du titre là maintenant. C'est sur l'album Nijinsky. Et c'était un duo. Ah, mais ça, c'est début solo. Après avoir lâché Taxi Girl. Je crois que c'est le deuxième album solo, ouais, si je me souviens bien. Quel beau bien. Concept, très bon album. Très bon album. Très très bon album. Avec Crève Cœur, c'est quelque chose. Alors Crève Cœur, tout le monde adore Crève Cœur. Moi j'aime bien Crève Cœur, mais je préfère Nijinsky. Ah oui, oui, oui. Parce que je trouve qu'il y avait une liberté, un truc très chat sauvage, très terrain vague. Et Crève-Cœur était plus fait pour paraître chez Mercury. Ouais. Donc tant mieux pour lui, ça lui a sauvé quoi, la vie, quoi, littéralement, à ce moment-là. Tant mieux, tu vois, réjouissons-nous. Mais artistiquement, je dirais pas ce qui est son meilleur ou pas, mais je dis mon préféré. En tout cas, mon préféré, c'est Nijinsky. Et c'est vrai que quel album. Ils l'ont ressorti il n'y a pas si longtemps en vinyle. Ah, c'est vrai, c'est bien. C'est... Mais moi, j'ai été... Nijinsky, et c'est le moment où je l'ai rencontré en fait, avec Buzy, à la fois par son intermédiaire et avec elle, ensemble, on avait passé un moment comme ça tous les trois. Donc c'est aussi mon souvenir de Daniel Darc, il est lié à cet album. Quoi. Je vais te dévoiler quelque chose qui ne se passera pas. J'avais contacté Buzy il y a 2 mois pour qu'elle puisse venir nous rejoindre pour un. Ah ben oui. Non, mais à la dernière minute, elle ne peut pas. Ah, c'est dommage. Ouais. Mais c'est pas facile de la faire bouger des fois. Non, mais elle voulait, mais ouais. Parce qu'elle avait, elle a quelque chose d'assez immuable, donc. Non, je comprends. Elle a des fois des impossibilités. Ouais. Mais j'ai des idées pour elle là pour la suite. On va se voir bientôt là. J'ai des idées pour elle. Ah, chanson. Ouais. Des idées, pas pour moi pour écrire, mais des idées pour un album, pour une manière de le faire. Pour elle? Oui. Ok, ah ouais. Voilà, donc on va évoquer ça. Entre guillemets, tu veux la relancer, tu veux... Non, moi elle n'a pas besoin de moi pour se relancer, elle peut se relancer toute seule. C'est pas ça, c'est que je la connais depuis longtemps et j'ai eu une idée, j'ai eu une certaine... Une vision, un truc, je sais pas. J'aimerais lui suggérer et voir si ça l'intéresse. Mais elle fait des chansons par ailleurs en ce moment avec d'autres gens. Elle est avec un groupe, deux groupes. Ouais, donc Elle n'a pas besoin de moi, c'est pas ça. Non, mais peut-être ce serait toi le déclencheur pour la faire reprendre le micro. Je sais pas, tu sais, c'est une envie déjà d'enregistrement, de dire tiens, hein. une expérience. Ouais. Ah, bah, oui. Une expérience. Ouais. Une expérience. Voyons. Deux amphis d'hier, d'un regard bleu en porte-mer, avec du vent. Oh. de mes doutes. La vie choisie pour moi, comme on relance les dés au jeu de loi. Une case et puis deux. Même quand tu mords mon âme, de temps en temps, c'est encore savoureux. Même quand tu débordes en me coloriant, je te veux, je te veux. Et mon avion dans le bleu colorisé, grisé, vol heureux. Je te veux. Certaines, comme une expérience de chimie, tu vois, mettre en présence certains éléments, puis qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc j'ai une idée comme ça. Et lorsque tu t'es quitté, on s'est rencontré l'année dernière, tu t'en allais travailler. Ouais. Est-ce que tout ça, est-ce que ça a changé par rapport aux anciennes visites? Moi, j'ai toujours énormément de travail. Quand j'ai allumé mon ordinateur, j'ai été très studieux, tu sais. C'est vrai que j'ai rien sorti là depuis 2 ans, mais j'ai fait plein de chansons. J'ai fait des chansons avec Elsa, j'ai fait des chansons pour d'autres gens qui vont paraître l'an prochain. On fait beaucoup de choses en fait. C'est juste que c'était une année plus intériorisée. Donc en fait, j'arrête pas de travailler. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir en 2018. Pas seulement mon album, mais des chansons pour d'autres gens aussi, que je ne te dis pas maintenant, parce qu'au cas où, tu vois, c'est de reporter tout ça, il ne faut pas déflorer les choses par superstition. Tu es très superstitieux. Non, mais je fais attention avec ça, parce que j'ai appris que des albums, des fois, ça peut être retardé, je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà, il ne faut pas défraîchir les choses. Il faut attendre, on n'est pas pressé. Les graines sont sous terre, elles vivent leur vie de graines, c'est très bien. Elles germeront un jour. Si on leur montre le soleil trop tôt, ça les crame. Ah oui, c'est vrai. Il y a une chanson de Peu Poumons, ma préférée. Et j'ai voulu chercher le titre avant d'arriver ici, mais je me suis, malheureusement, j'ai pris ma douche et j'ai fait la conversion. j'ai pas pu. Mais si je te la fredonne, est-ce que ça peut t'aider? Ah oui, normalement, oui, je vais reconnaître. Mais je me suis, parce qu'il faudrait juste que je trouve le début, les paroles du début, mais elle commence à chanter dès le début. Il n'y a pas de... C'est une... Non. C'est... Vas-y. C'est ça. Là, tu vois, que si je fais ça, après ça va ressembler à chanter. Peut-être simplement simple. Ah bon? Non. Alors, c'est sûr que c'est pas L'Arme de Lune, c'est la première du deuxième album, parce que ça commence à cappella. Non. Non, non, non, non, c'est avec la musique. Ah, ça commence tout de suite avec la musique? Zut alors. Bah, je trouve que c'est une chanson du dimanche. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Bon, alors là, tout de suite, je la remets pas. Mais je te le dirai sur Facebook. Alors tiens, à propos de Paper Moon, il est question qu'on fasse un quatrième album. Ok. Ce qui s'est pas... Donc on était à Taïwan récemment. On finissait la tournée d'Elsa. On avait mis au point 2 petits concerts comme ça artisanaux à Taïwan. Mon but, c'était de me dire, tiens, peut-être on peut attirer un label ou deux qui viennent voir un peu Elsa, parce qu'on n'a pas de label à Taïwan avec elle en ce moment. Alors ça s'est passé d'ailleurs, on a trouvé un label pour Elsa, ça c'est bien. Puis il y en a un autre que j'avais contacté, qui m'a répondu plus tard, quand on était rentré à Paris, et qui m'a dit, oui, bon, d'accord, ok, intéressant, pourquoi pas, mais nous, surtout, on voudrait un nouveau Paper Moon. Si vous faites un nouveau Paper Moon, on fait le pressage, on vous fait la distribution, Chine, enfin, toute la région, quoi, tu vois, la grande Chine. J'ai dit, ok, super, bon, là, c'était pas dans les tuyaux maintenant, mais je vais voir ce que j'ai comme chansons, comme ça, qui peuvent correspondre au projet, on va en parler avec la chanteuse, je vous tiens au courant. Et j'en ai parlé avec Iris, ce qui était quand même le préalable, parce que Iris, on peut le dire, n'a pas toujours été sa priorité, c'est un euphémisme. Donc sa priorité, c'est sa vie à elle, et voilà, ça n'a jamais été le groupe d'abord. Donc je lui ai dit, bon, est-ce que tu te sens de le faire? Parce que après, s'il y a des concerts, tout ça, bon, c'est une décision, quoi. Oh, ouais. Tu ne me dis pas, oui, je veux le faire, et puis après, ah, tu n'es jamais là. Une fois que tu l'as mis au monde, tu dois t'en occuper. Oui, c'est ça, quoi. Et donc elle m'a dit, ah oui, ça fait longtemps, ça m'intéresse, ça me fait plaisir. Bon, d'accord. Donc on va s'y mettre, on se met là-dessus au mois d'août. C'est du nouveau matériel, rien de... C'est du nouveau matériel. Je lui ai envoyé une quinzaine, une vingtaine de musiques. On va trier, on va choisir. Et puis il y en aura sûrement d'autres qui vont venir après. Ça, c'est une première base. Et donc ça pourrait sortir l'an prochain à Taïwan avec une distribution sur d'autres pays autour. Je ne pense pas le sortir en France, c'est quand même... parce qu'on a eu si peu d'écho, soyons honnêtes, on a eu si peu d'écho ici, que je ne vois pas l'intérêt de faire des efforts considérables que réclame une sortie en France, le coût considérable d'une sortie. Je ne vois pas l'intérêt, quoi. C'est-à-dire qu'on va gaspiller de l'énergie ici, alors qu'on peut en prendre, on peut avoir vraiment un épanouissement avec le projet. Voilà, c'est pas... Et sur Internet, vous avez une très belle presse. Quand on voit les sites de musique, les albums sont très bien compris, sont très bien analysés. Oui, si tu veux, mais enfin bon, ça n'a pas débouché sur une accroche publique démente. Ouais. Et on n'a pas eu non plus... C'est-à-dire que notre dossier de presse, il est sympathique, il n'est pas extraordinaire. On n'a pas eu une pleine page dans le L, on n'a pas ah eu... Non, non. Un dossier dans les Inrock, on n'a pas eu... Voilà. Donc, toute proportion gardée. Oui, on a eu un petit écho à un moment donné, mais pas assez pour que le public en France soit alerté vraiment. Voilà. Donc... Mais tu vas quand même le garder, c'est quelque chose qui ne sera pas perdu. L'album, éventuellement, il pourrait sortir, il n'y a rien d'être définitif. Si des gens en France veulent l'album, ils pourront l'acheter en import. Il sera sur Amazon, il sera là où il doit être. Voilà, il sera disponible en import. Et je pense que ce sera suffisant comme ça. Parce que ça rejoint un public quand même. Un public intéressé. Là, tu sais, je ne suis pas très motivé pour faire des efforts pour la France. Tout a été très difficile, tout a été coûteux. Produire un album ici, c'est coûteux. On a vraiment beaucoup de difficultés. Alors que dès que... Même en Suisse déjà, ou même en Belgique, regarde, on a des choses qui se passent naturellement. Prends l'album d'Elsa. J'envoie comme ça, un peu à l'aveuglette, cet album, à des gens en Belgique. Et on se retrouve avec Idéal Estérel en playlist sur la première, ce qui est l'équivalent de France Inter. Il n'y a pas eu de travail promotionnel. Et ici, même avec le talent, parce que c'est quelqu'un de talent, de notre attaché de presse ici, qui est vraiment bonne, etc., on rame. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ici, il y a une espèce de malédiction. Et en Suisse, des chansons de l'album d'Elsa sont passées en haute rotation sur Option Musique. C'est-à-dire qu'automatiquement, elle est passée genre 50 fois quoi, pendant le printemps. T'as une fois en France. Bon, moi, tu touches quand même un peu de dividende, c'est lui qui a dit. On touchera dans 2 ans, parce que le temps que ça arrive, ça passe par le tuyau. Ah, okay. Même en zone Schengen avec la Belgique, ça prend du temps. Hein. Mais ça arrive, ça finit par arriver, bon, c'est pas... c'est juste un peu lent, voilà, c'est ouais. Mais ça existe, c'est bien que ça existe. Oui, parce que quand même, les dividendes sont pas si énormes que ça. Et on en a besoin. Ah, ouais. Moi, je les réinvestis, voilà, ils disparaissent tout de suite. Hmm. C'est pour ça d'ailleurs que je suis assez bien la SACEM, etc. Parce que j'en ai besoin. C'est pas un luxe, hein, pour non, moi, non, c'est non. Pas pour aller aux Maldives, hein. C'est parce que j'en ai besoin pour m'acheter un nouvel instrument, pour faire les choses, quoi. C'est pas pour faire une piscine en forme de guitare. Non. Quoi que ça serait bien aussi. Hein. Un jour, on verra. Un jour, c'est ça. Un jour, ce sera mon tour, comme je disais. C'est... Ah, c'est Arthur. Est-ce que tu veux autre chose? Oh non, merci. Hein, un jour, ce sera mon tour, mais pour moi, ben, là, c'est Eve, ils feront le détour. Ouais, j'aime bien Arthur H aussi. Ouais, et que j'ai rencontré il y a 2 ans. Et alors, tu composes pour toi ou tu composes depuis quelques mois pour toi? Je compose en général et puis après je vois vers qui ça va. Ok. Alors, ce que j'aime bien ces derniers temps, c'est composer avec des nouveaux instruments parce que j'ai beaucoup composé au piano, donc j'ai mes automatismes. Alors pour les casser, tu vois, pour changer un peu ça, j'ai fait des expériences qui seront sur le nouvel album où je compose avec, par exemple, avec l'auto-harpe ou bien avec un de mes gadgets, le Q-Chord, qui est un omnicord mais des années 90. Ok, tu joues avec la palette ici pour donner oui, c'est ça. Textures. Oui, et puis alors, donc sur le Q-Chord, tu as un son de synthé, un son de corde synthé. C'est très bien parce que tu passes d'un accord à l'autre d'une manière extrêmement fluide, il n'y a pas de cassure. Ah oui, ok. Oui. Tu vois, c'est très lié, très rubato, très lié. Donc ça, c'est chouette. Et j'aime bien donner des ambiances. Et donc, j'ai composé le premier morceau de l'album qui s'appelle Parenthèse. Et c'est intéressant c'est parce que c'est vraiment pas une composition de chanson traditionnelle. Merci. Dans le fond d'un coquillage blanc, 4 pianos jaunes du satin, juste un accord de temps en temps. Les musiciens sont partis, les notes noires jouent pourtant. Dans les transparences, les temps morts, ce que tu as de plus touchant. On le sent parfois juste au bord d'une photo prise en tremblant. Sous le masque, l'enfant sourit. C'est le malgré toi, ce que j'aime en toi, pas ce que tu veux, pas ce que tu crois. C'est le malgré toi, ce que j'aime mieux, ça me suffira à nous rendre heureux. Le vieux dico tombé par terre s'est ouvert sur le mot hasard. Des fissures je vois à travers une volière d'oiseaux rares où les gens sont des anges à l'envers. Porté là par un ventilateur, ton plus beau dessin vient me voir. La Joconde chez les brocanteurs, laisse l'âme aléatoire. Un sublime sunbeam intérieur, c'est le malgré toi, ce que j'aime en toi, pas ce que tu veux, pas ce que tu crois, c'est le malgré toi, ce que j'aime mieux, ça me suffira. Chinois, l'une d'un été fabuleux. J'en aurais pleuré de joie, j'enviais tout ce qui est brumeux. C'est le malgré toi, ce que j'aime en toi, pas ce que tu veux, pas ce que tu crois. C'est le malgré toi. fait. C'est pas parti d'une guitare, d'un piano ou quelque chose comme ça. C'est une chanson, couplet, refrain, mais c'est parti du cue-cord et de cailloux. J'étais à Kyoto, et alors pendant j'avais fait un séjour à Kyoto l'an dernier, j'ai enregistré des cailloux, des rythmes avec des cailloux, parce qu'il y a une présence de la nature très forte dans cette ville, des parcs, des jardins, beaucoup de choses, et il y a les pierres sont très mises en valeur dans les temples, tout ça, tu vois, c'est très scénographié. Ah ouais, ouais. Alors elles ont une histoire, elles ont une âme, les kami, tu vois, dans la religion Shinto. Donc j'ai été copain avec des cailloux et je faisais des petits rythmes comme ça. Tu vois, je faisais des choses basiques comme ça. J'en ai enregistré plein en fait. Donc dans des contre-allées, de petits temples, des trucs comme ça. Et je me suis dit, bon, je ramène tout ça à Paris, je ferai le tri après. Mais déjà, d'une manière très enfantine, sauvage comme ça, comme un enfant qui s'ennuie pendant qu'il y a un mariage ou je ne sais quoi. Moi, je faisais mes petits rythmes avec mes cailloux. Et donc, j'ai basé des chansons là-dessus. Là, il y en aura... Alors, j'en ai fait plein, mais il y en aura deux sur l'album. Une qui est en début, et puis une autre plus vers la deuxième partie. Et voilà, donc là, c'est vraiment des chansons. Il n'y a pas de piano, pas de guitare. On est dans un langage musical complètement différent. Et quand même, c'est pas... Presque ludique. Oui, la base est ludique. Par contre, ce que je raconte dessus, non. Ah ouais, non, mais la trame musicale. D'accord. Ouais. Est-ce que tu connais le piano à doigts? Kalimba, ouais, bien sûr. Ouais, c'est un instrument que trois musiciens m'ont amené dans leurs propos. C'est quand même très facile à jouer. Ça dépend. Il y en a des très grands. Hein. Ah non, des petits. Des petits, ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est quand même, on va simplifier. Hein. Et puis, ça donne un son assez particulier. J'adore. Ouais. C'est très pur. Oui, exactement. Beau. Moi, j'en ai vu des très, très grands. Justement à Kyoto, excuse-moi, parce que tu vas dire j'ai de la suite dans les idées, mais comme je connais bien, du coup, il y a un magasin d'instruments du monde entier, qui est le plus beau magasin de musique que je connaisse, où tu as des instruments étranges venus de tous les coins de la planète. Et sur Teramachi Doroi, pour les gens qui vont à Kyoto, je veux dire. Et ils ont des kalimbas énormes. C'est-à-dire sur lequel il y a genre 4-5 octaves avec toutes les lamelles métalliques comme ça, parfaitement accordées et tout. Et avec ça, tu peux jouer du Chopin, quoi, tu sais, au kalimba, tu peux faire des choses étonnantes. Ouais. Pas moi, hein, moi je ne saurais pas. Pour parce le moment. Que pour le il moment. Faut vraiment être virtuose. Ah bah c'est, là c'est du boulot, hein. C'est-à-dire que pour devenir virtuose du kalimba, c'est des années et des années. C'est l'histoire d'une vie. Je pense. Presque. Je pense parce que ça, les réflexes que tu dois avoir ne ressemble à ceux d'aucun autre instrument. Donc tu dois toujours l'aborder de zéro. Ok. Quoi que tu aies fait avant, tu l'abordes de zéro. Donc avec un petit kalimba qui est accordé, admettons, en la ou en do, bon ben voilà, tu fais un petit motif, un truc comme ça, tu t'en sors. Ça, j'ai un petit kalimba à la maison, j'ai fait ça il y a longtemps, mais... As-tu déjà indiqué avec... Oui, j'ai fait ça, mais je trouvais que c'était ce que je faisais était extrêmement limité, et que donc ça n'avait pas grand intérêt. Et par contre, c'est vrai que ces grands kalimbas me font... Alors en plus, d'une part, ils sont assez chers. Ah oui? Ah ben oui, c'est cher parce que c'est produit un par un, okay. À la main. Oh, c'est oh, pas, artisanat. Ah oui, c'est pas un truc d'usine. Et puis alors en plus, t'imagines, ils viennent d'Afrique, ils vont au Japon. Ah oui, ok. Ouais, donc, transport, c'est ouais. Pas forcément des vols directs. Oh, ouais. Pas. Et ensuite, l'idée, c'est que moi, j'en ramènerai au conditionnel 1. Donc... Après, il faut encore payer du transport. Les douanes, hein, aussi, non? Les douanes? Éventuellement. Ça dépend. Des fois, tu as de la chance, tu peux passer. Tu arrives en France et puis personne ne te dit rien, sur rien. Ouais. Et au contraire, un autre jour, ben, c'est sur toi que ça tombe. Il faut se méfier, quoi, c'est tout. Il faut être. Faut pas se mettre en situation de risque inconsidéré. Ouais, effectivement. Et ton travail depuis le dernier opus, est-ce qu'il est freiné ou si tu laisses venir, tu travailles selon tes... Non, je suis très studieux. Non, je suis très studieux parce que j'ai un véritable souhait de ne pas m'endormir, de ne pas refaire des choses que j'ai déjà faites. Donc je me coltine avec des créations, avec des œuvres. Je suis assez... très envie de progresser, quoi. Je veux dire, j'ai très envie de m'étonner moi-même, d'être un meilleur chanteur, d'être un compositeur qui ne ronronne pas sur son coin de radiateur. Alors, tu me verras pas non plus faire du funk ou du disco. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas de faire des choses qui seraient loin de toi, à tes antipodes. Qui seraient artificielles. Voilà. Mais à l'intérieur de mes capacités, oui, j'espère explorer au maximum. Et là, par exemple, je vais faire j'ai un projet où je vais chanter un petit peu en coréen et un petit peu en japonais. Je n'ai jamais fait ça. C'est un vrai petit challenge pour moi parce que je ne parle pas couramment ces langues. Je connais un peu leur construction comme ça, leur phrasé, la musique du langage, mais je ne parle pas. Et qui va écrire les paroles ? À des amis, justement, j'ai demandé. Alors, c'est une amie chanteuse coréenne qui a fait pas mal d'albums là-bas, une chanteuse folk qui s'appelle Shiwa, que j'aime beaucoup, que je connais bien. Donc, est-ce que le folk coréen colle avec le folk américain ou le folk français, ou s'ils ont une entité ? Ils ont une entité. Il y a plusieurs choses intéressantes dans les concerts comme ça en Corée. D'abord, c'est important ce que je veux dire. Ils parlent beaucoup entre les chansons. Alors, pour nous, vu de France, on se dit qu'ils parlent vraiment beaucoup, quoi, parce que tu vois, des fois, c'est 10 minutes et tout. Ouais, ouais. Et après, quand la chanson arrive, il y a un silence religieux, et ils écoutent ça vraiment d'une manière hyper asiatique, vraiment comme des éponges, en absorbant comme ça énormément. C'est assez... Et du coup, il y a beaucoup de place pour le silence, pour l'espace, c'est beau. Donc, Shiwa, par exemple, c'est une chanteuse qui fait très souvent du guitare-voix, voire même pendant une heure et demie, comme ça, guitare-voix. Elle parle entre les chansons. Qu'est-ce qu'elle raconte à travers les chansons ? C'est des choses très... des sentiments, des choses de la vie intime. Tu vois, des avant choses de la chanson, vie intérieure. Oui. Elle explique un peu le contexte, comme ça, de sa création. Ouais. Nous, des fois, dans la façon d'écrire française, on met tout dans la chanson. Ouais, c'est ça. Là, c'est un peu comme s'il y avait... comme si la chanson était épurée au maximum. Un résumé, une esquisse, un truc. Et que donc, des fois, bon, elle ressent le besoin, éventuellement, d'ajouter des éléments, mais en parler avant. Voilà, pour poser le contexte, c'est même un cadre. Et pour ensuite, la chanson, voilà, ça va être tac, tac, tac, comme ça. C'est les couleurs, les paysages, les formes. Au niveau harmonique, c'est souvent simple, volontairement. C'est-à-dire que si elle voulait jouer des accords sophistiqués, elle pourrait, elle est capable. Simplement, elle reste sur une expression humble, sur un truc qui se la pète pas, qui est une suite d'accords comme qui, on va dire, qui ne paie pas de mine, qui fait pas d'esbrouf, parce que le principal va être dans la sincérité du chant, dans la sincérité des paroles. Alors moi, on me les traduit, hein, je les dans comprends. Dans l'interprétation, surtout l'interprétation. L'ensemble. Mm-hmm. L'ensemble. C'est très, très... tu sais, dans la musique traditionnelle coréenne, ils ont un concept qui s'apparente à ce qu'on pourrait appeler la soul. C'est-à-dire... dans les chants qui s'appellent arirang, qui sont les chants traditionnels de chaque ville ou de chaque région ou du pays, les arirang, quoi, voilà, c'est les... Et ils ont cette idée que la grâce d'un interprète, la grâce d'un chanteur, c'est ce petit truc en plus, ce petit supplément d'âme, le soul, quoi, comme ça. C'est leur vision de ça. Donc on peut dire Shiwa, par exemple, cette chanteuse, elle l'a. C'est pas la seule, mais ça, elle l'a. C'est-à-dire que peut-être si tu donnes ces chansons à quelqu'un d'autre, ça va tomber en poudre. Ouais, ça, c'est pas la même chose. Il y a moins de ressenti. Elle, avec son être. Sa vibration. Oui, la chanson se déploie, s'ouvre, et c'est très beau. Voilà. C'est simple, mais c'est très beau. Et alors, souvent, les résolutions, les accords, les suites d'accords se résolvent assez vite. C'est-à-dire que ça, c'est assez différent de ma musique. Parce que moi, je viens d'une école schellérienne, comme tu sais, où on peut avoir des suites d'accords assez sophistiquées, avec des septièmes, des résolutions évitées, des trucs comme ça, qu'on fait plus ou moins instinctivement, mais qu'on fait, quoi. Oh, no. nous sommes comme des statues qui dansent dans le silence. L'éternité, nous sommes comme des statues qui rêvent de faire la grève, de bouger le personnage, le romancier qui tourne les pages. Et sur la cage vient se poser l'oiseau de passage. Oh, nous sommes comme des statues qui veulent être moins seules, se rapprocher. Nous sommes comme les statues du parc, dans le dark, s'en vont balader jusqu'au matin, par les musées, se tenant la main, prenant le train, sans décider où il va et vient. Dire, est-ce que je peux changer un peu, changer vraiment ce qui m'est donné? Dire, est-ce que l'on peut ouvrir les yeux, voir autrement d'autres vérités? Ou bien pousser comme un arbre bien enraciné. Tourne les atomes et tourne les têtes, les planètes. Nous restons figés. Ah oui, nous sommes des statues qui pleurent à l'intérieur. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.